seuil de tes épreuves, entouré des tiens, tu comprendras enfin que je fus le seul à t'aimer par-delà les frontières du rien, d'un amour plus puissant que ton orgueil dissolue. Cette certitude, hélas, ne t'effleura. Ton cœur pour le mien ne fut que faiblesse. Méprisé, j'ai combattu pour qui m'ignora. Toi, tu n'as vu jamais l'amour qui te blesse. Cet amour désuni, tourment inapaisé, éclaire la douleur de notre terre vaine. Vallée de pleurs où cherche un cœur glacé, tandis qu'on fuit les bras qui nous tendent peine. Et Dieu donateur éternel de pauvres ardents, qui nous aime au-delà des murs du cimetière, à qui l'on fait porter nos chagrins mordants, comme des enfants cruels blessant leur père. Et Dieu, donateur éternel des soirs,